savoir te connaître, ça devient lassant. La réussite s'est basée sur la découverte. Qu'est-ce qu'on aurait à dire si tout le monde se connaissait? La question est l'oubli. C'est comme ça dans la veille. Moi, question est l'oubli. C'est comme ça dans la vie. De beurre qui se déchire.